Donc pour le coup, j'ai pas trop d'intro cette semaine. C'est pas grave. Pas d'intro? Pas d'intro. Pas d'intra. On va dans le vif du sujet direct. Tu penses? Bah je ne sais pas, je te demande. Bah allons-y, c'est parti. Très bien. Et bienvenue dans cet épisode 5 de cette saison 3 de Road to Hellfest, ou comme on l'appelle plus communément... From Mars. Comme on l'appelle entre nous. Genre de bonne famille, l'épisode où on découvre l'affiche en direct avec 5 heures de décalage. Grosso merdo, ouais, grosso c'est ça. Merdo, ouais. C'est ça. Donc on a réussi à éviter tous les spoils de droite et à gauche. Les spoils. De mon côté, je tiens à remercier Alex de ne pas m'avoir spoilé du tout l'affiche et d'avoir permis que je ne sache rien, même s'il m'a un peu torturé. Moi, parcimonie. Hein. Voilà. Donc voilà, on ne sait rien pour l'instant. Et avant de laisser cours à notre surprise, on va quand même revenir sur quelques petites infos qu'il y a eu, quelques petites fuites et quelques annonces plus ou moins diverses et variées. Des fuites. Peut-être qu'avant ça, nous pourrions trinquer, parce que c'est un truc qu'on fait d'habitude et qu'on on est un Attends, peu perdu. C'est laquelle? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Tu l'as pas? C'est celle-là, c'est bon. Ah, très bien. Moi, il va falloir que je rouvre une. Hey, à la tienne. T'as mangé, c'est pour ça, faut que tu t'hydrates. C'est une bonne bière d'affiche, ça. Ah bah dis donc. Où est-ce qu'il est le perculateur? Il est là, tiens. Je vous en remercie fort. Mais il n'y a pas de quoi. Donc, découverte de l'affiche qui dit donc numéro un peu différent, qui dit aussi pas de news, pas de trucs, voilà. Juste on se concentre. Le plaisir. Hein. Voilà, donc ça sera une émission apparemment moins longue. Oui. Parce que puis en plus, bon, ouais, c'est bon. Ouais, ça va, attends. Et on a donné déjà. C'est ça. On donne, et vous prenez, vous prenez, mais jamais vous rendez. Hein? De temps en temps quand même. Si, de temps. Un petit peu, ouais. Un peu. Les miettes. Et nous, on se nourrit de ces miettes. Voilà. Moi, je les nourris avec un petit peu de poulet rôti, de mayonnaise. Du coup, as-tu quand même passé une bonne semaine, mon Bob? Mais ça a été. Des nouvelles. Ouais, ça a été. Des nickel. Trucs sympas qui se sont passés. Oh, bah oui, des trucs sympas. Ah ouais? Plein de petits trucs sympas, en fait. Oui, plein de trucs sympas voilà, que tu as acquéri par la force des choses. Certainement. Est-ce que ce n'est pas une veste du culte que je vois sur toi? Je sais pas. Où? Bah, sur toi. Ah oui, là? Ouais. C'est marqué disciple ici. Donc, tu t'es fait plaisir. Oh, bah, certainement. Donc, ça y est, c'est officiel, t'es un culte. Je pense, ouais. Waouh. Ouais. Ça me fait... Et ça te fait quoi alors, toi? Parce que moi, ça me fait quelque chose. Je la trouve vachement bien. Ah ouais? Confortable, superbement bien taillée. Merci, Guillaume. Et merci, Hellfest Productions. T'as vu? Et moi, sur moi, ça fait pas pareil. Ça fait. Mais je sais pas, t'es bizarrement foutu, toi. Merci. Ouais. Ça, bon, je... T'es taillé bizarrement. Mais alors. Ouais, comme si tu venais d'un autre monde. Et ça expliquerait tellement de choses. Ouais, certainement. Eh bien, je suis content que tu aies cette veste et passé une bonne semaine. Voilà. Et toi? Écoute, ma foi, oui. Je sais pas si tu as remarqué, parce que tu m'en as fait aucune remarque, mais j'ai taillé ma haie. Ah, je croyais que tu parlais de ta barbe. Parce que... Pas du tout. Non, d'accord. Non. Mais non. Ma haie est taillée. Que... Bah, du coup, j'ai pas été invité à venir trinquer, à venir fêter pas... ça. Tu, donc, tu passes du coup... pas devant chez moi tous les jours? Si, tout à fait. Je vois souvent ta barrière ouverte. Hein, pour les gens, si jamais vous voulez aller boire une bière. Voilà, hein. C'est une invitation que tu ne prends jamais. Oui, eh ben, écoute, c'est pas évident, hein, parce que je peux pas me garer de ce côté. Si? Oui, bah, un petit peu plus bas, mais ça, voilà. ça m'oblige à faire demi-tour, du coup. Et après, en repartant, à refaire demi-tour. Mais non, tu te coupes la route. Ouais, c'est ça. Bah écoute, incessamment sous peu, tu viendras. Il est possible que je m'arrête. Bah très bien, voilà, faisons pour boire une petite bière. Ça sera avec grand plaisir. Et donc, félicitations pour taille, du coup. Oh, écoute, merci. Voilà, je viendrai fêter ça. Avec, dignement. Dignement. Une petite raclette. On va pas faire que ça. Non, non, non. Donc, retournons à nos moutons ou autres animaux de compagnie. Tout à fait. Et donc, à notre sujet principal du soir, à savoir l'affiche. Pour... rappel, la programmation de l'an dernier, donc c'est-à-dire du festival de 2018, a été donnée le 13 décembre 2017. Donc ça, c'est important de le signaler, c'est-à-dire que cette année, nous l'avons en avance. Et oui. Donc c'est déjà bien, parce qu'on est toujours en train d'attendre et de se dire « Oh là là, ouais, c'est long, pourquoi ?» Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Ben, venez, on fait va du jokari, et puis on n'en fait pas. Bah oui, parce qu'on n'en a pas. Déjà. Donc, c'est une idée, ça, tiens. Bah, et bientôt Noël, n'hésitez pas. Un petit joker. Exactement. Rappel des faits. Fais donc. 24 juin 2018, le festival bat son plein. Tout le monde est en train de danser, de swinguer, de passer un bon moment. Ça. Certains, malheureux, sont en train de dormir, agressés par la fatigue ou le soleil ambiant. Ouais. Enfin, à cette heure-là, il n'y a plus trop de soleil. Plus vraiment, non. La nuit étant tombée, entre deux concerts, qu'est-ce qui se passe? Une annonce. Oh. Et oui. Mais ils l'ont. Pour la première fois de son histoire, je crois. Ouais. Le Hellfest annonce 5 groupes de son édition 2019, à savoir Manowar, Slayer, Dropkick Murphys, Carcass et Mass Hysteria, avec une petite précision pour Mass Hysteria, que ce sera le plus grand concert au Hellfest qu'ils donneront. Donc un concert sûrement de nuit, tard, enfin plus tard que d'habitude. Voilà. Et un concert de Manowar dans la tournée d'adieu ou un truc comme ça, ou, et la seule date en France, je crois. Oui. Un truc comme ça. Et Slayer, bon bah bien sûr, c'est la tournée d'adieu, donc ça, ils étaient un peu obligés. Tout le monde est au courant. Hein. Ils avaient leur carte d'abonnement. Il manquait un petit tampon. Voilà. Le petit tampon, voilà, le dernier. Il nous manque un. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, elle fait gratuit. Ouais, cool. Donc voilà, ça, c'était les bases que tout le monde avait. On avait ça, on avait... Suite à ça, il y a eu quelques fuites de ci, de là. Oh. Oui, un petit peu de ci, de là. Ouais. Déjà, ce même week-end, alors j'en parle un peu plus tard, parce qu'on a un document où je vais référencer des trucs, et j'en parle un petit peu plus tard, mais ce même week-end, il y avait quand même Ultra Vomit qui était en train de faire un reportage pour France 3 et qui a commencé à déjà dire qu'ils reviendront sûrement l'année prochaine, un peu plus tard. Ouais. Donc ça, c'était une première pseudo-annonce. On ne sait pas, nous verrons pas. Ben non, du coup. Ensuite, il y a eu plusieurs fuites. Alors attends, excuse-moi. Ah, j'ai pas remis bien dans l'ordre tout ça. Je m'en excuse. Ben, bravo. Je m'en excuse. Le 23 juillet, Dee Snider s'auto-annonce au Hellfest via deux publications sur son compte Twitter. Ça, on en avait déjà parlé dans le podcast. Ce que c'est assez cohérent, parce qu'il a sorti un album de chansons écrites par d'autres et il a ressorti, ou il est en train de ressortir un album, je ne sais plus, il est tellement occupé ce gars-là. C'est clair. Le 16 septembre, c'est Annihilator qui s'auto-annonce au Hellfest via une publication sur le compte Facebook personnel du guitariste. Le 10 octobre, Joe Lamook s'auto-annonce via une publication Instagram de Gaël Mektoub. Alors là, est-ce qu'on n'est pas plus sur un côté genre... Metal Corner, ça, je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, il s'auto-annonce là-bas. Le 14 novembre, Tool annoncé au Hellfest via sa propre agence de booking. Oups, comme on dit, la fameuse annonce qui a... Voilà. Un petit peu l'annonce. Qui a fait un petit peu parler. Ouais, voilà. Ouais, parce que c'était déjà un peu le groupe qui était supposé dans leurs annonces de téléphone, enfin dans leur décodage de téléphone. Ouais. C'était un peu le groupe annoncé et trouvé par les fans les plus aguerris. Voilà. Et le 15 novembre, Lynyrd Skynyrd annoncé dans une interview dans le magazine américain Charleston Gazette Mail. Donc ça, c'est pour les fuites quasi officielles. Alors, cela, c'est quasi sûr. Et c'est pareil, Lynyrd Skynyrd, apparemment, ils arrêtent. Hein, donc, ah oui, c'est leur dernière tournée, apparemment. Donc ça serait assez cohérent. Aussi. Cité par Francis Zegut, qui, de temps en temps, il balance quelques scuds. Le 24 octobre, il a balancé Tool, Def Leppard et Lynyrd Skynyrd avec des points d'interrogation. Genre au Hellfest, peut-être, je ne sais pas. Oui. Peut-être, pourquoi pas. Plus tard, il a annoncé que Rob Zombie était au Bataclan le 19 juin. Il dit, c'est pas dans les dates du Hellfest, ça. Voilà. Chum, par hasard. Je sais quand qu'il a annoncé ça, c'est vendredi soir, je crois. Il y a très... Non, jeudi, je crois, non. Tu crois? Je sais plus. Bon, bref, la semaine dernière, il balance un Slipknot en concert le jeudi soir au Hellfest. Point d'interrogation. Alors celui-là, juste avant l'annonce du... Lapin compris. Là, celle-là, non, c'était vraiment le côté... Genre, et si jamais il faisait juste un concert le jeudi soir? Après tout, maintenant, le jeudi soir, on sait bien, c'est plus vraiment une journée morte. Il y a vachement d'animation, il se passe plein de trucs. Ouais. Pourquoi pas? Est-ce que ça serait vraiment déconnant de remettre un seul concert le jeudi soir? Ah, bonne question. Tu vois, c'est pour ça que je te demandais comment t'étais par rapport à cette date. Moi, ça me semblait hyper cohérent. Le côté, on fait... Et j'ai même vu quelqu'un qui a dit l'augmentation des 10 euros de la place, tu fais fois le nombre de gens, ça fait à peu près le prix de Slipknot. Ah ouais, donc toi, tout ça mis bout à bout, tu t'es dit, mais ouais, carrément, pourquoi pas. Bah, franchement, sur les trois dates, normalement, Slipknot n'était pas présent parce que ça tombait pas bien dans les trois dates. Mais imagine, ils viennent jeudi. Imagine, ils font... Mais du coup... Est-ce que ça serait si déconnant que ça de se dire, ah bah, cette année, on met tout, bla, on rajoute un truc le jeudi soir. Ou alors, Slipknot ou Metal Corner. Oui. Oui. Du coup, ils vont pas déplacer la vallée, mais ils vont déplacer le Metal Corner parce que ça va être un peu... Ça va être le bordel. Ouais. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, honnêtement, comme ça, je peux pas te dire. En fait, tu l'avais pas... Tu pensais juste que c'était... Voilà, comme ça. Non, puis j'ai pas... Ça m'a pas percuté plus que ça. Mais je te l'ai dit, en plus. Je t'ai dit, mais quand même, regarde. Ouais, ouais, non, mais j'ai pas percuté plus que ça. Bon, après, Slipknot le jeudi. Donc, toi, dans l'idée, ce serait quoi? Ce serait de d'ouvrir les grilles le jeudi? Moi, j'ai pas... Ouais, pour un concert. Un seul concert le jeudi soir. Ouais, c'est pas déconnant. Après, pourquoi pas? Mais c'est genre, après tout, le Download a fait une quatrième journée. Motocultar, cette année, fait une quatrième journée. Ouais. Là, ils se disent, bah, on fait pas une quatrième journée, on fait juste un concert. Après, il y aura peut-être quatre jours, je sais pas, mais on fait juste un concert. Mais ouais, pourquoi pas? Tu vois, donc c'était pour ça, je disais, en fait, ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait dit ça, j'aurais dit, ouais, on s'en fout, mais Francis, il a souvent des bonnes infos, donc pourquoi pas? Ouais, ouais, bah après, pourquoi pas? Bah, je demande à voir, c'est tout. Je suis un peu comme Saint Thomas. Moi. Donc, et voilà. Sa dernière en date à Francis, elle est d'hier, je crois. Il annonce Hellfest 2019. Je verrai bien Kiss dans la logique de leur tournée européenne. Et ça, je tenais à rappeler que je l'avais déjà annoncé. Ouais, moi aussi. Donc, je devais être tout seul, je crois. Non, mais Kiss, je le voyais bien, justement, moi. Ça me semblait. Ah, bah oui, ça... ouais, mais tu l'avais dit de toute façon. Donc, dans un passe 4. Donc, maintenant, ça, en dehors des autres. Rumeur, on va passer à tout ce qu'on a pu voir à droite à gauche. Alors c'est assez amusant de voir les liens avec les rumeurs, parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout, que ça soit de... J'ai entendu le cousin de Michel parler avec son concierge. Apparemment, il a vu un tweet. Apparemment. Il y a vraiment des trucs comme ça. Donc Ultra Vomit, je l'ai déjà dit. Ouais. Après, le problème, c'est que comme c'est Ultra Vomit, ils peuvent s'auto-annoncer tant qu'on veut. Bah, voilà. Bah, ils sont un peu dans la déconnade, ces mecs-là. Donc du coup... Est-ce encore... vrai, c'est pas vrai. Il y a encore quelqu'un qui a annoncé qu'en stories, Manard a dit à la question est-ce que vous venez au Hellfest cette année, il a répondu on vient tous les ans. Ben, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Alors, j'ai mis des dates, hein, mais tout n'est peut-être pas forcément très précis et rien n'est officiel, ce sont juste des rumeurs. Le 20 septembre 2018, Ugly Kid Joe, sous-entendu par le chanteur du groupe dans une conversation à bord d'un train. Voilà. Donc ça, j'en avais ouais. déjà parlé. C'était le chanteur qui pouvait très bien venir avec son autre groupe dont j'ai oublié le nom, mais il a un autre groupe c'est potentiel. Ça, ouais. Donc je l'avais dit, mais voilà. Le 1er octobre, Vulcain, d'après les dires d'un Roddy. Voilà. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. Encore le 1er octobre, Naul Band, ajouté à l'affiche sur le site du CE May Club, qui vend des passes Hellfest en avance. Donc ça, ça avait été plus ou moins désamorcé, hein. Des gens qui avaient dit « Ouais, non mais c'est bon, c'est des fans, ils ont mis ça, ils voulaient se faire plaisir. » Oui. Voilà, va savoir. Hein, on n'est pas... le 11 octobre, H-Bomb annoncé par le manager du groupe dans une conversation entre deux personnes, je suppose. Ouais. Car c'est un minimum pour avoir une conversation, sinon la personne est en train de soliloter, elle parle à voix haute et c'est... Un signe d'intelligence. Eh ben écoute, ma femme est très intelligente. Le 12 octobre, aussi, Sasquatch annonce son retour en Loire-Atlantique en juin prochain lors d'un concert à Nantes. Eh mais est-ce que c'est pas pour des vacances? Ça se trouve, ils ont bien aimé le coin et ils se disent, tiens, pourquoi pas? Écoute, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ça te ferait plaisir. Ah ben, bien sûr. Ils peuvent très bien avoir été bookés en même temps. Écoute. Faisons ça comme il se doit. Voilà. Le 15 octobre, Inspecteur Clouseau annonce sa venue au prochain Hellfest lors d'un concert à Nantes. Alors, s'ils ont leur passe, oui, pourquoi pas? Mais bien sûr, écoute, ils peuvent très bien venir aussi. Donc normalement, aux dernières nouvelles, Inspecteur Clouseau, c'est aussi Live Nation. C'est pour ça qu'ils étaient au Main Square, c'est pour ça qu'ils étaient au Download. Ouais. Et ça va rejoindre un truc que je t'ai envoyé par message aujourd'hui, qui est un truc qui nous a pas fait tilter. Ben non. Voilà. Alors qu'en fait, pourtant, d'un seul coup, tu dis « Oh, mais merde, mais oui bon !» D'ailleurs, sens. En même temps, à la limite, on peut le dire maintenant. Hein. Il se trouve que cette année, on en a parlé dans le dernier épisode, il n'y aura pas de Download. Donc, Live Nation n'a strictement aucune raison de bloquer les groupes. Parce que, autant d'habitude, ils peuvent dire « On les bloque pour empêcher le Hellfest d'avoir tel groupe et de les récupérer pour leur festival à eux. » Mais là, s'ils empêchent les groupes, ils sont juste en train de perdre de l'argent. Donc d'un seul coup... Là, t'es en train de dire ça à des gens qui connaissent déjà l'affiche. Ouais, mais c'est des suppositions en décalé, forcément. Oui, bien sûr. Donc, vous le prenez comme c'est une espèce de jeu de piste hein, pour nous. Hein. D'ailleurs, on aurait pu faire le jeu des pronostics. Pour l'instant, t'en penses quoi? Alors, Ugly Kidjo ou un groupe? Voilà, t'es pas aucune idée. Voilà, Vulcain. Aucune idée. Nalband. Non, mais aucune idée pour tout. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc, Sinsan et Ham, le 17 octobre, ne dément pas sa venue au prochain Hellfest lors des dédicaces d'un concert. Est-ce que tu vois quel groupe c'est? Pas du tout. Alors, c'est le groupe avec Stéphane Buriez, Joey Jordison à la batterie et le mec qui joue dans Dragon Force. J'ai oublié son nom. D'accord. Un mec est venu aussi pendant le concert de Machine Head à Paris. Tu vois pas? Non, pas du tout. Ah, je vais essayer de te montrer sa photo, peut-être. Et oh! Tout le monde se calme. Je vais essayer de te montrer sa photo. Mais pour moi, ce serait très cohérent qu'il soit là. Ouais? Ouais. Ça, c'est... Hein. Alors, c'est là qu'il faut que tu... Ah oui, d'accord. Tu nous racontes des trucs. Des choses. Frédéric Leclerc. Ah oui, bien sûr. Tu vois qui c'est? Pas du tout. C'est lui. Ah! D'accord. Voilà. Et donc, Sinsan et Ham. Frédéric Leclerc. Et oui, il joue dans Dragon Force. Mais bien sûr. Voilà. My Sleeping Karma, sous-entendu par le chanteur du groupe dans une conversation. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec toi. Je peux dire qu'on en a sous-entendu des choses. C'est clair. Voilà. The Walking Dead Orchestra, alors là, c'est pas loin d'être mon préféré, ça. Sera présent au Hellfest 20219. Ah ouais, 20219. Ouais, je me suis planté. 2019, d'après un des membres du groupe, dans une conversation familiale. Alors en fait, c'est un mec qui a dit qu'il a discuté avec une fille qui était là avec son beau-frère. Et le beau-frère a dit qu'il serait là parce qu'il fait partie du groupe. Waouh. Ok. Effectivement, ouais, c'est pas mal. Donc il y a des chances qu'il... voilà. Sachant qu'ils sont passés l'année dernière. Oui. Est-ce qu'ils repasseront cette année? Est-ce que ça serait déconnant? Pas non plus. Non, pas forcément. Within Temptation, le 12 novembre, annonce sur le site non officiel des fans francophones du groupe. Alors, bon. Ok. Sachant qu'ils sont déjà en tête d'affiche du Grass Pop, pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Il y en a souvent au moins un des trois qui est toujours présent. Omnium Gaterum, sous-entendu par un sourire lors d'un concert. Ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'en fait, il a dû dire qu'ils allaient revenir pendant l'été faire des concerts. Il y en a un qui a gueulé, Hellfest. Ouais, c'est ça, et lui, il a fait un sourire. Et genre, on dit, ah ouais. J'imagine beaucoup. En même temps, c'est parlant, hein, des fois. Hein. Ah bah oui. C'est plus parlant que des mots. Hein. Ah bah ça, clairement. Hein. Le 24 novembre, Trivium, selon une demande faite à Corey Beaulieu, le deuxième guitariste, quant à une venue au Hellfest, il aurait répondu, that's the plane. Ouais. C'est le plan. Ah oui, je croyais que c'était l'avion. Non, pas ce plane là. Ah, d'accord. Oui, donc c'est le plan. Et aujourd'hui, donc c'est à ce qu'a popé. Donc ça, c'est un groupe que j'aurais mis sur ma liste, mais bah, du coup, il a popé aujourd'hui. Sur son site officiel, Rage Tour Booking annonce le bal des enragés au Hellfest le samedi 22 juin. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est clair. Ouais, ça je savais. Hein. Enfin, pour moi, c'était. Je l'avais dit, je crois même d'ailleurs. Oui, bah oui. Puis bon, en même temps, c'est. Bah, ils fêtent leurs 10 ans, ils tournent. Voilà, ouais. Voilà, donc c'est pas non plus. ZZ Top annoncé pour le samedi 22 juin. Aujourd'hui aussi, on l'a appris. Mm-hmm. Avant, bien sûr, que l'affiche ne sorte. Et Demon & Wizard le vendredi 21 à 19h, suite à une info sur leur page Facebook. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est les principales rumeurs, fuites qu'il y a pu avoir tout au long de ces quelques mois. Ok. Est-ce que te voilà bien rassasié? Oui, complètement. Donc je pense que, voilà, ça fait 20 minutes déjà qu'on enregistre. Ah ouais, non, c'est long. On va pouvoir, je pense, faire des petits pronostics. Tout à fait. Donc j'ai proposé à Bob de mettre d'un côté 5 groupes qui verraient bien être programmés au Hellfest et 5 groupes que lui aimerait être programmés. Voilà, que j'aimerais voir à l'affiche. Voilà. Hein, c'est plus simple, on va passer par là. C'est bon. C'était un peu désagréable ta reprise. Ouais, mais c'est parce que je pense que je suis un... Très bien. Eh bien, je t'en prie, commence par tes groupes que tu verrais bien au Hellfest. Alors, mes 5 groupes que je souhaiterais voir à l'affiche, tu veux dire? Non, les 5 groupes que je pense être à l'affiche. Exactement. Eh bien, du coup, oui, il y avait Liner Skyner, mais ça... Voilà. Ouais. Il y a Lamb of God. Carrément. Ouais. Bah ouais, je me dis qu'il tourne avec Slayer, ouais. Avec Slayer, donc ce serait pas déconnant qu'il soit là. Et du coup, excuse-moi, mais Lynyrd Skynyrd, oui, non, t'aurais envie de voir ou... Ah ouais, j'ai envie de les voir. Bah, en plus, ce serait la dernière fois. Je les ai déjà vus en 2012 quand ils sont passés. Ouais. Je suis arrivé un petit peu sur le tard, j'ai dû voir 5 morceaux. Et là, ouais, non, je compte bien ne pas arriver sur le tard. Mm. Ouais, s'ils passent, moi je vais les voir, c'est sûr. D'accord. Donc Lamb of God, là par contre c'est pareil, s'il passe je vais les voir aussi, parce que la dernière fois le son n'était pas de notre côté, il était de l'autre côté, mais le temps de traverser c'était mort. Je vois bien Sick of It All. Moi aussi, ouais. J'ai pas dans la liste, mais ouais, pour moi ouais. Parce que, ils ont ressorti un album il y a, il y a quelques jours de ça, je crois. Une semaine je crois. L'as-tu écouté? J'ai commencé à l'écouter puis j'ai pas fini de l'écouter. Alors, je l'écouterai. Bah, moi je l'ai écouté deux fois et en fait il est rentré et ressorti. Je... Ouais. Écoute, je verrai. Et donc, Sick of It All, tu serais. Je sais pas encore pour l'instant. Franchement, voilà. S'il y a rien, je pense que oui. Derrière, s'ils sont là et s'il y a rien, oui. Oui. Certainement. D'accord. Ou alors j'irai manger, boire une bière, pisser, je ne sais pas. Il est multi-instrumental cet homme. C'est ça. Hein, je suis le. Le Guéluron ? Non, merde, comment ça... il s'appelle ? En fait, je retrouverai. Ah, d'accord. Sinon, je voyais bien Brand Bjork. Pas con. Pas con. Ouais, c'est assez cohérent. Voilà. Je suis d'accord. Et pour mon cinquième, je voyais bien Orange Goblin. Non. Alors là, non. Là, tu t'es trompé de liste, mon gars. Parce que Orange Goblin, t'as envie qu'ils reviennent. Non. Orange Goblin, t'as pas vu le message qu'ils ont balancé il y a un mois ? Non, je l'ai pas vu. Non ? Ils ont mis un t-shirt Hellfest 2009. Ah si, ça 2009. Tu me l'avais dit, ça. Ça fait 10 ans, machin truc. Donc moi, j'ai sous-entendu que 2019, peut-être qu'ils viendraient pour leur pour fêter les 10 ans, leur premier passage au Hellfest en 2009, et venir fêter leur 10 D'accord, bah ans. Écoute, oui. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que je le mets dans que je pense être à l'affiche. D'accord, très bien. Voilà, et bah, toi c'est... donc ? Alors moi, dans mes groupes potentiels, alors déjà, j'ai mis Kiss. Parce que depuis le... Oui, bien sûr. Depuis le temps, je le dis. Donc, normal. Et je pense même que j'irai peut-être jeter un œil, parce que je les ai jamais vus. Ben ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Ouais. J'ai mis Disturb, parce que... Ouais. Franchement, voilà. Ils ont sorti un nouvel album, et pour moi, c'est sûr, ils seront là. Ouais. J'ai mis Les Tambours du Bronx, parce que je trouverais pas ça déconnant de les voir aussi, maintenant que leur album est sorti, et voilà, je pense qu'ils sont prêts. Quelle scène ? Ah, Main Stage. Hein. Ouais. Ça me ferait chier, mais Main Stage. Enfin, ça me ferait chier. Non, c'est Main Stage. Ouais, en après-midi. Ouais, je vois bien. Je pense. Ouais. J'ai mis No One is Innocent. Oui. Parce que. Par contre, tu vois, si je pouvais choisir, je les mettrais en Warzone. Pour le kiff. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. Mais ils seront en Main Stage sûrement, mais je les vois bien là parce qu'ils tournent bien en ce moment et ça serait cohérent avec les Balles des Enragés, avec Rage Tour, tout ça. Ouais, complètement. Et le dernier, c'est mon coup de poker. C'est Hell Yeah. Alors je m'explique. Ouais, j'ai vu un truc passer moi avec Hell Yeah. Ouais, parce qu'en fait leur prochain album sort en 2019. Ouais. Donc enregistré par Vinnie Paul. Ouais. Ils ont annoncé le décès de Vinnie Paul forcément le samedi de sa mort. Ouais. Et je m'étais dit ça pourrait être une belle manière de finir le truc. Mmh. Parce que il y a quand même de grandes chances qu'ils partent en tournée derrière. Je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais il y a quand même une grande chance qu'ils repartent en tournée quand même. Ouais. Ils vont sûrement remplacer Vinnie au moins pour les lives. Peut-être même faire une tournée d'adieu, va savoir. En tout cas, je les verrai bien au Hellfest comme... Ouais. Pourquoi pas. Tu vois, ça c'est mon petit coup de poker. Ouais. Tac. Voilà. C'est toi que tu vois. Et du coup, j'irai les voir. Ah bah oui. Je les avais loupés je ne sais plus quand qu'ils étaient passés. Bah moi, je les ai jamais vus. Jamais vus nulle part, donc... Ok. Et sinon, s'ils n'avaient pas été annoncés, je mettais le bal des enragés. Ouais. On passe au groupe qu'on voudrait voir. Ouais. Ah, c'est là que j'ai un peu tapé dans tout, moi, je crois. Mon premier, c'est Zombie Motors Wrecking Yards. Dis quelque chose, ça. J'avais partagé. C'était une reco du lundi. Ah ouais ? Ouais. Un groupe australien. Très rock'n'roll. C'est pas le truc où t'avais acheté un CD comme ça sur l'affiche ? Avec une nénette un peu dans l'esprit ouais. Tarantino là et ouais. Et je ne sais plus. Un peu, ouais, esprit. Dans l'esprit. États-Unis, Route 66. Ah merde, j'ai plus le nom du film, bon sang. Le film de Tarantino ? Ouais, de Pulp Fiction ? Non, Tarantino et. Robert Rodriguez ? Ouais. Un film qu'ils ont fait ensemble ? Ouais. Sin City ? Non. Ah si, c'est le seul. Hein. Toi, tu confonds, ils ont chacun fait leur film, mais tu confonds avec Planète Hurlante et. Ah, tu vois, tu l'as plus non plus. Ah, il faut qu'on le trouve. Celui où il y a un conducteur fou, là. C'est ça. Ah, mais non, c'est pas le boulevard de la mort. Ah bon ? Non, le boulevard de la mort, je crois qu'en plus, c'est Tarantino tout court. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est avec. Il y a Bruce Willis dedans. Et... Il y a Bruce Willis ? Mais oui ! Ah, Forum ? Ah non, oh là ! Ah oui, en plus, oui, dans Forum, soit il. Bah oui. C'est bien du Tarantino, ou alors je sais pas, c'est lui qui l'a produit ou. C'est quoi, tu parles je de sais que ce film est associé à Tarantino, mais alors pourquoi, je ne sais plus. Tu parles de quoi, Une nuit en enfer ? Non, c'est pas Une nuit en enfer. Parce qu'Une nuit en enfer, Tarantino a écrit le scénario. Ouais. Et après, il est parti en couille, au moment où il savait plus quoi faire. Bah, c'est Rodriguez et Tarantino qui l'ont écrit. Et à la fin, il savait plus comment faire. Non, Rodriguez, il l'a pas écrit. Hein. Ah, bah, d'après ce que j'ai lu, moi si. Ah ouais ? Ouais. Bah, moi, je dis que non. Ils l'écrivaient ensemble et ils savaient plus comment finir. Non, pas Machete, putain, mais avec la nénette qui a un shotgun à la place de la jambe. Eh ben, c'est Planète Hurlante. Planète Hurlante. C'est pas ça ? Non, je crois pas, non. C'est un truc à la con comme ça ? Ouais, dans le style. Alors, attends. Hein. Non, mais si. Oui, bah, c'est celui-là que tu voulais dire. Oui, voilà, c'est ça. Et je sais même plus, putain, ce que. J'adore. Donc, oui, en fait, la pochette de l'album de Zombie Motors Breaking Hearts ressemble un peu, tout à fait dans cet esprit-là. Mais oui, c'est un peu dans l'esprit, justement, Death Proof. Oui, non, c'est pas Planète Hurlante, je dis de la merde. Ah ouais, tu dis de la merde. Ouais, mais c'est parce que c'est un truc qui est pas loin d'être Planète comme ça. Planète Terreur. Hein ? Non. Planète Terreur ? Ouais. Ah, ça serait bien ça, ouais. Ouais, moi, je pense que ça serait bien ça, moi. Ouais, tu crois ? Je crois bien. Ouais, vas-y. Bah attends, je cherche. Donc, et bah, forcément, en deuxième, j'avais Sasquatch. Ah oui, donc bah vas-y, tu vas confirmer une fois que t'auras trouvé. Oui, non, mais écoute... Alors, est-ce que tu mets trop de temps, en fait, à chercher ? Et les gens s'impatientent. Ils veulent savoir. Planète Terreur. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Bah, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Ben, voilà. Planète... Toi, t'as dit Planète Hurlante, toi. Oui, mais j'ai confondu avec Metal Hurlant. Metal Hurlant, c'est ça. C'est un film que je suis en train d'écrire, et quand il va sortir, bah, vous n'êtes pas prêts. Tout à fait. Vous n'êtes pas prêts, les gens. Donc, Sasquatch. Sasquatch, en deuxième. Ouais. Un groupe que j'ai jamais vu et que je kifferais voir, Soylent Green. Ah, mais c'est bizarre, parce que ça te ressemble pas d'écouter ça. Non, c'est étrange. Hein. C'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent, mais j'aime bien. Je sais pas, c'est un peu cajun dans l'esprit. J'aime bien ce qui est épicé. Sinon... Alors là, je m'en retrouve, mais enfin... sans quoi dire. C'est ça. Eh ben, je pense. Donc... Ensuite, il y a NoFX, que je n'ai jamais vu, que j'aimerais voir. Ouais. Tu moi, vois, moi je vois, suis parti vraiment. Peu... Oui, d'accord. Bah, voilà. Oui. Et le dernier, Killer Be Killed. J'étais sûr qu'on allait en avoir un en commun. Eh bien, pas du tout. Alors, celui-là, j'ai hésité à le mettre et je me suis dit non. Là, j'ai voulu me dire pas là. Ouais, moi, c'est pareil. C'était un petit peu capillotracté mon choix, mais je me suis dit allez, tant qu'à faire, tant qu'à choisir un groupe que j'aimerais voir à l'affiche, eh ben, autant mettre Killer Be Killed en même temps. Oui, non, mais clairement, tu as totalement raison. Vraiment, on est près de toi. Bon, alors, à mon tour. Oh là là là là, je le sens mal avec ce petit sourire. Moi, j'aimerais bien voir Trivium. Parce qu'ils auraient dû être là l'année dernière. Ouais. Vu qu'ils avaient la sortie de leur dernier album de Sin Under Sentence, c'est que c'était pas le cas. Ouais. Donc cette fois, vous déconnez pas, vous venez. Ouais. C'est tout. J'aurais bien aimé voir Bokassa. Ouais. Parce que putain, ce que je peux écouter cet album est vraiment. Le surkiffer. Ah ouais, grave. Sass. J'aurais énormément, et j'ai même vraiment envie de croire qu'ils seront là, Freak Kitchen. Parce que ouais. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et je les ai jamais vus non plus. Ouais. Un groupe que je pensais que t'aurais dans ta liste, mais que t'as pas mis, Bettzepher. Oh putain. Non mais c'est ça, ouais. Tu vois, là c'est pareil, il y en a un autre auquel je viens de penser que j'aimerais voir, que j'ai jamais vu. Quoi t'es-ce ? Parce que j'ai partagé lundi, aujourd'hui. Bah j'ai pas vu. Spinal Tap. Ah oui ! En plus oui, ils sont en tournée de... Bah c'est pour ça. De reviendre. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, je kifferais les voir. Ouais, donc bah, Bettzepher, hein. Ah bon... oui, à mort, carrément, bien sûr. Voilà. J'ai même pas pensé à eux, putain, pourquoi ? Et... Tinasius D. Ah ouais, bah tu vois, c'est pareil. Ouais, non. Donc, ça, c'est les groupes que j'aimerais bien voir. Et en dehors de Trivium, que j'ai déjà vu, les autres, je n'ai jamais vu. Donc, ça serait d'une pierre 14 coups. Ben voilà, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était un peu entre les fuites et nos pronostics. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Non, parce qu'en plus, vous, vous connaissez déjà. Donc, vous êtes juste en train de dire, mais quelle bande de pauvres types. C'est clair. Oui, mais c'est comme ça. Ben voilà. Ouais. Donc, je pense que le moment est venu. On y va ? Tu crois ? Bah, tu me dis go. Non, j'en ai 7. Bah, allez, vas-y, c'est parti. Hein. Bah, c'est parti, go. Ah, c'était le bruit du feu. Hein. Ouais. Alors, ah, par contre, faut que ça charge là. Hey, lundi, recours. Putain, 15 notifs. Je m'en fous des notifs. Donnez-moi un truc qui ressemble. Putain, je vois pas d'affiche. Je vois pas d'affiche. Donnez-moi une affiche. Je veux une affiche. Monsieur, c'est obligé. Tiens, regarde, tu fais ça. Hop, attends, et voilà, tu l'as. Attends, bah attends, je l'ai pas. Hey, y a Manowar. Attends, je l'ai pas, bordel. Tu l'as pas ? Putain, y a Gojira. Cool. Arrête de me balancer les noms. Me balance. Y a trop petite Murphys. Alors attends. Ah putain, y a même les dates. Ah ouais. Donc Tool, Dream Theater, Massisteria, Demon and Wizards, The Data Architect. Oh putain, y a Fu Manchu. Y a Lamb of God. Y a Lamb of God. Cool. Attends, mais donnez-moi une affiche, bordel. Ah, mais il y a déjà tous les jours en plus. Il n'y avait pas ça d'habitude. D'habitude, il y a ça. Eh oui. Godsmack. Ah, merde, non. Rivalson, d'accord. Cool. Eh, il y a bien Ultra Vomit. Hein. Ah, là, il y a Dagoba. No One Is Innocent. Lofofora. Oh ah. Clutch. Ah, punaise. Ouais, mais il y a Clutch en main stage, je crois. Ah, par contre, ça pue, ça. Trivium. Il y a Trivium. Municipal West, Insanity Alert, Alien Weapon. Je l'avais dit, Alien Weapon, rien. Ouais. Eagles of Death Metal. Eagle of Death Metal. Cool. Skin Dread. Le retour de... Putain, j'y avais pensé aujourd'hui. Ouais. En plus. Ultra Vomit Massista, No One Is Not... Oh, putain, c'est carrément une scène de... français, en fait. King Diamond, LMR. LMR. LMR. Diamondhead, Trollfest... Cool. Impal Nazareth, Cradle of Filth, The Sister of Mercy, Wolfheart. Ouais, ouais, il y a des bandes encore. Punish Yourself, Skull with Bliss of Flesh, Lucifer, Emperor, Decide. Ils reviennent souvent ces gens-là. Ouais. Revocation, je les ai écoutés aujourd'hui, je crois. My Sleeping Karma, cool. Trepalum, Donald, Pestilence Possessed, Kevin Attack. Oh, il y a Rum Jack, cool. Power Trip. James 69. Mad Scene, cool. Sum 41. Batmobile, excellent. Il y a Sum 41. Banane Métallique. Putain, j'étais sûr aussi, ça qu'il allait être. Oh là là, le bal des enragés, bah voilà. Les ventes passent. Mad Scene, Batmobile, The Creep Show. Ouais, bon, Hunter, ça. Hunter Shiraki, Refused. Punish Yourself, cool. Ouais, Phil Anselmo et The Illegals. Bah évidemment. Plus de bandes. Ok. Océan, Kevin. Fu Manchu, Uncle Incident. Ah ! Reviens là, toi. Witches. D'accord. Eh ben écoute. Bah voilà. Hein. Eh ben. Quand même, hein. Bah ouais, hein. Il y a 2-3 trucs, hein. Ouais. Ça va être sympa. Donc, les trois têtes d'affiche sont Manowar, Kiss et Tool. D'accord. Eh ben, ça fait encore pas mal de trucs à découvrir, quand même. Bah ouais. Très, très sympa. Ah oui, il y a la 100% Frenchie. Ouais, et il y a la 100% Trash de l'autre côté. Cool. Oh, ça va être compliqué, ça. Ouais, hein. Insanity Alert, ils sont pas passés l'année dernière. Non, je crois pas. Non. C'est pas eux que j'écoutais, que je te disais d'écouter ? Je me demande s'ils sont pas passés les dernières. Non, non, non, ils sont pas passés. Non, non. Oh. Non, non, non, je ne crois pas. Tu ne crois pas ? Ouais, ouais, ouais, non, je ne pense pas. Ok. Bah, c'est plutôt cool. Bah, ouais. Alors là, c'est bien parce qu'il y a pas mal encore de groupes que je connais pas. Du coup, j'en profite pour aller voir une nouvelle. Neuf Fanatol, ok, cool. Là, il y a Hank Von Hell. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Non, mais je t'écoute pas en fait. Ah, d'accord, mais je pensais bien qu'il allait être là. Ouais. Il y a Fu Manchu, excellent. Ouais, tu l'as dit aussi, ça, en fait. Ouais. Parce que tu l'as... Bah ouais, c'est ça. Mais oui. Ouais, par contre, clutch en... là-haut... Je sais pas. Bah, tu sais pas pourquoi. Bah, clutch en main stage. Ouais. Ouais. Ah bah c'est. Bah au moins il y aura des meilleures lumières, moi perso. Ouais, non, bien sûr, mais je me rappelle de Red Fang justement quoi. Ça. Je crois pas que ce soit des. Enfin pour ma part, je crois pas que ce soit des groupes qui soient faits pour les main stage. Ah bah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bah, ça, c'est un peu le risque, oui. Je trouve que c'est plus sympa quand c'est en petite scène. Je comprends. Ouais, bah écoute, ça fait pas mal de trucs à découvrir, ça, c'est cool. Bah ouais. Là. Ouais, carrément. Hein. Il y en a pas mal que je connais de nom, mais. Ouais. Après, et en fait, il y a des trucs où je serais assez content en fait, de me faire. Cancer Bat, c'est excellent. Merde, j'arrive pas. Il y a pas mal de rockabilly, là, de psychobilly, hein, c'est pas mal. Hein. Batmobile, putain, c'est en plus un vieux groupe. Hein. Non, mais ça a l'air d'être hyper sympa. Bon, bah, par contre, apparemment, donc, il n'y a pas de jeudi soir Slipknot. Bah non. Il n'y a pas Metallica. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont été dit. Hein. Ouais. Dans tout ce cas. On a vérifié après, mais il y a énormément de fuites, en fait. Ouais. Enfin, pas des fuites, des... Attends, ah, putain, mais je galère. Attends, je vais prendre la photo, je vais l'enregistrer. Ça va être plus simple. Parce que là, je me galère trop. Alors, on va prendre cette photo-là. Bon, bah c'est cool. Le Slash, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, putain, la vache. Et avec les... En plus, il a sorti un album, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais je ne l'ai pas écouté. Alors. Attends, pas mal. Attends, du coup, je vais faire le mec bien, je vais le partager. Comme ça, on va. Ouais, tu crois? Bah écoute, c'est de circonstance. Mais... Tout à fait. Ça, les gens vont se dire, ça y est, ils ont vu l'affiche. Je vais le partager. Partager sur une page. Partager. C'est sur... bien, c'est bien. C'est sur... cool. Bah là. Plein de bonnes choses. Ouais. Et plein de trucs. Bah, à découvrir, hein, de même. Hein. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Mais en plus, c'est vrai que des trucs genre. Même. Je serais agréablement content de me plonger dans du Def Leppard, du Kiss et même du ZZ Top. Donc. Ouais. Parce que... Ouais, carrément. Il y a Addix, j'avais pas vu. Pardon, il y a quoi? Il y a Addix. Je connais, je sais pas ce que tu me dis, mais je suis d'accord. Ouais. Attends, ouais, non, c'est. Bon, bah forcément, il me manque sa Squatch. Hein. C'est vrai, mais il n'y a vraiment aucune des rumeurs, en fait. Bah après, en même temps, derrière, il y a deux groupes encore à annoncer pour le dimanche, sous la vallée. Donc en fait, c'est les deux seuls groupes qui manquent? Ouais, apparemment. Quoi, tu rames comme ça, voilà. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais. Ouais, bien. Il y a Yob, cool. Non, mais il y a vraiment plein de trucs à... Après, Sum 41 en tête d'affiche. Ouais. Bon. Ouais. Et Hank Van L est un peu. Peut-être. Sera dans la journée, ça sera peut-être moins. Pardon, excusez-moi, oui. Ça, il faut fêter ça. Je pense qu'on peut même. On peut même trinquer, là. Hein. Oui, complètement. Écoute. Hein, à la vôtre. Assez long blanc qu'on laisse. Valley of the Sun, tu connais toi? Non. Pourtant, ça ressemble à quelque chose que tu pourrais écouter. Hein. Ça... Putain, il y a que Velartak. Je connais sens. Village of the Sun, qui est un titre de. Kavelartak, c'est. Kavelartak, ça c'est. Ouais. Ça, c'est... Après avoir. Candlemas, le bal des enragés. Il y a aucun des groupes qu'on a annoncé depuis tout à l'heure. C'est trop drôle. Ouais. C'est trop drôle. Enfin, si, il y a Trivium qui a été annoncé, mais... Non, c'est très, très cool. Ouais, complètement. Après, il y a pas mal de découvertes, quoi. Il y a quand même les Stone Temple Pilots, hein, je crois qu'ils étaient finis, je croyais. Hein. Ah ouais? Je pensais, mais... Richie Kotzen, Cortini... Ouais, non, il y a pas mal de découvertes à faire. C'est... Godsmack que t'avais raté là, il y a... Ouais, que j'irai certainement voir si j'ai la possibilité. Oh bah c'est cool. Bah ouais. Voilà. Ça fait du plaisir. Ouais, non, c'est une... En fait, c'est... Ouais, c'est... En fait, là, on a, quand même, grâce à l'année dernière, on a pu bien se rendre compte du côté large de la... De leurs affiches. Voilà. Et donc là, c'est plus avec plaisir qu'autre chose que je... Bah ouais, moi, c'est pareil. Hein. Puis là, il y a Bloodbath. Je m'en doutais aussi qu'il allait y avoir Bloodbath. Ah, pourquoi tu l'as pas dit? Parce que je pouvais pas tout dire. Hein. Et du coup, alors, bien, par rapport J'aime bien aussi l'idée des 100%. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais c'est pas mal, ouais. Ça met du thème dans le truc, ça fait un petit... Alors du coup, Kiss, j'ai bon. Bon bah, Ellie, j'ai pas bon. Disturbed n'est pas là, hein. Bah voilà. Les tambours du Bronx non plus. Et No One est là, donc j'en ai deux. Bien joué. T'en as combien, toi? J'en ai zéro. J'en ai zéro. Très bien. Et dans les groupes que tu voulais voir? Moi, j'en ai un. Non, mais c'est ça, hein. Donc là, moi, j'ai Liner Skyner, Lamb of God... Et c'est tout. Ah bah t'en as deux. Moi j'en ai deux. Dans ceux que je pensais. Ouais, dans ceux que tu voulais, t'en as zéro. Voilà, parce que sinon il n'y a pas Psychofito, il n'y a pas Brandbjork et il n'y a pas Orange Goblin. Pour l'instant, ça se trouve, derrière, il y aura... C'est vrai, c'est vrai. Vu qu'il y a deux groupes encore à... Donc si on en revient, donc Kiss, Def Leppard, Tool et Lynyrd Skynyrd, Tonton Zégu, t'avais raison. Ouais. De ce côté-là. Après, des autres groupes... Bah alors Joe Lamook, ça, moi j'avais dit plutôt un Metal Corner, donc c'est bon. Annihilator, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je ne l'ai pas vu. Dee Snider, je ne l'ai pas vu non plus. Non plus. Donc Ultra Vomit, oui. Ugly Kid Joe, l'autre groupe. Alors j'ai oublié le nom du groupe, donc ça se trouve lié, mais je sais pas. Donc on va mettre un peu de tête, pourquoi pas. Vulcain, je n'ai pas vu. Non. H-Bomb, j'ai pas vu. Non. Sasquatch, non. Inspector Clouseau. Non plus. My Sleeping Karma. On l'aurait remarqué, je pense. Pardon ? On l'aurait remarqué. Ouais, My Sleeping Karma, ça te dit. Ouais, il y est. Ah ouais ? Ouais. Ah. Il y est le vendredi. En Valais. Vendredi en Valais. Ah oui, tout à fait. Dans le Graveyard. The Walking Dead Orchestra. Il y est pas. J'ai pas vu non plus. Within Temptation, il y est. Et Omnium Gazerum. Après, c'est peut-être pas vu. C'est peut-être pas le nom du groupe. Hein. J'ai peut-être mal recopié de ce côté-là. Donc, à tous les fans, hein, je m'excuserai presque. Ouais, parce que il y a Wolf Heart et je crois que c'était marqué Wolf Heart. Donc... Ah, il y a Chargot. Cool. Tu vois qui c'est, Chargot? Non, pas du tout. C'est ceux qui étaient déguisés, là. C'est le mec qui t'habillait tout en noir, il trimbalait. Ah oui, d'accord. C'est Chargot. Okay. Ouais, qu'on a vu l'année dernière. Ouais. Tout à fait. Eh ben écoutez, plein de groupes que je connais pas. Plein de groupes que je connais. Des plutôt cool dans l'ensemble. Ouais. Carrément. Bah c'est top. Bah ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, une bonne affiche. Ouais, ouais. Là, et puis ça brasse large encore. Bah ouais, ouais, carrément. Et ça se terminerait donc par Tool. Waouh. Ouais. Avec en... Ah putain, et Tool en face. Bah non, pas en face, du coup, il y aurait Emperor, Decide, Refuse et Phil Anselmo. Ouais, je pense que je serais devant Tool. Hein. Et... Ouais. Écoute, on écoutera tout ça. Ouais, avec grand, grand, grand plaisir. Et puis on verra comment ça se passera. Et bah, après, c'est toujours pareil. Il y a le. Il y a le. Le Running Order hein, à attendre aussi. Enfin, là, ça, c'est toujours un moment clé. Enfin, là, il est quand même clé. Plus ou moins annoncé, déjà, d'une certaine manière. Ouais, mais il y a toujours des changements, il y a toujours des... Mais je me souviens pas qu'ils aient annoncé l'affiche comme ça, moi, les dernières. Les dernières fois, avec les jours, c'est ce que tu veux dire ? Parce que là, c'est quand même très précis, quand même. Ben, je ne sais pas, mais je crois que si, en général, c'est, ah bah, ça ressemble à peu près à ça. Ah non, non, mais je veux bien reconnaître que je me... Que tu te... Fourvoie. Tout à fait. Eh ben, c'est plutôt cool. Ouais. Vous voyez, alors l'année dernière, c'était un peu... On était déçus, là, on est plutôt contents. En même temps, c'est parce qu'on a un peu l'affiche qu'on aurait voulu l'année dernière. Certainement, ouais. Par exemple, regarde, il y a Slayer, Lamb of God, Anthrax, qui était leur tournée et qu'on voulait voir. Ouais. C'était déjà pas forcément annoncé. Ça me fait chier pour Clutch, quand même, moi. Ah bah ouais, en plus il passe. C'est vraiment s'il y avait un truc, ce serait vraiment le seul truc en fait hein, qui me gêne de voir Clutch en main stage. Ah mais ils ont été victimes de leur succès. Hein. Tu crois? Ah bah s'ils sont là, c'est pas pour rien, je pense. Ouais, enfin je sais qu'ils sont déjà passés en main stage, donc mais après c'est toujours pareil, c'était pas le Hellfest qu'on connaît maintenant. Ouais, pour moi, de mémoire, alors, est-ce que tu pourrais juste... Je voudrais pas te retourner, mais moi, il était comme ça, moi, l'année dernière. C'est comme ça qu'on l'avait eu. Hein. Ah oui, c'est ça. Tout donc, à fait. Exact. Donc oui, effectivement. C'était pas aussi précis que ça. C'est hein. Ça. Voilà. Bien joué. Bah non, mais justement, là, c'est au moins, c'est carré, c'est tac, tu sais quel jour tu... Voilà. Eh ben c'est top. Eh voilà. Ben ouais. Et il y a Carcasse. Non, je suis presque autant content d'avoir autant de groupes à écouter. Et... Ouais. Attends, y a, ouais. Black Rain, ça me dit quelque chose. Par contre. J'ai dû les voir. Il y a pas mal de groupes que je connais de... De noms. De noms, ouais. Genre, pas mal. Ouais. Ça, c'est... Ah ouais, Black Rain, je les avais vus au download. Ouais, c'est bien parce qu'il y a quand même des groupes qui ont été lâchés par Live Nation. Hein. Ouais. Ouais. Black Rain, c'est très particulier. J'aimerais bien que tu tombes dessus parce que c'est... Voilà. C'est un peu un groupe de glam metal. Oula, tout ce que j'aime. Bah, je sais bien. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Bon, bah, écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, j'en pense que, ouais, c'est une bonne affiche. Encore très, très diverses et variées au niveau des styles et des groupes. Moi, je ne regrette pas mon attente, là. Hein. Non, moi non plus. Alors, il n'y a pas d'énormes surprises. Il y a plusieurs petites surprises. Bah, moi, je suis content de revoir The Drave, par exemple, en affiche. Ça me plaît bien. De voir qui? The Drave. Je les avais partagés en lundi Rocco. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, The Living End. Ça me dit quelque chose. Ce serait bien du punk un peu... Bah si, attends, si je me trompe pas, c'est un peu dans le psycho rock'n'roll punk, un peu rockabilly punk, un truc comme ça. C'est comme ça, toi, tu rockabilly punk. Ouais, The Creepshow, et je trouve qu'il y a pas mal de... Par contre, il y a énormément de groupes, comme Mad Scene, Batmobile, The Addicts, je crois que c'est un peu dans l'esprit, Cancer Bats, tout ça, c'est des groupes de psychobilly, justement. Ah ouais. Ouais, et c'est pas mal, j'aime bien ce style, je trouve ça plutôt cool. Je connais pas trop moi, donc j'ai pas... Je me demande si Banane Métallique, c'est pas un peu dans l'esprit aussi. King Diamond, moi j'avais vu il y a 3 ans. Ouais. C'était pas mal, hein, quand t'aimes bien King Diamond. Ouais, c'est ça. En dehors de la voix du chanteur qui peut parfois énerver, musicalement, moi je trouve ça propre. Je vais redécouvrir, parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de fois passer ce... Ah non, mais... On voit bien la gueule du chanteur. Hein. Ah bah complètement. Non mais voilà. Écoute... Là il y a un groupe par contre, j'arrive pas trop à lire le nom. Où ça? Ça doit être en Altar, je dirais. Quel jour? Le samedi. Ouais. Au-dessus de Dark Tranquility et Candlemas. Eh bah c'est Bloodbath. Ah bah voilà, c'est ça. C'est... Ouais. Ah Bloodbath, ouais d'accord. Ok, je le vois maintenant. Ouais, parce qu'en fait, étonnamment, quand j'écoute Beth Zephyr, souvent, on me propose après du Bloodbath. Normal. Bah, il y a Machine Head, Avatar, Bloodbath. Ah ouais. Ouais d'accord. Et aussi l'autre groupe, et Revocation. Mais pourtant, Revocation, ça n'a rien à voir. Si c'est bien le groupe auquel je pense, c'est pas du tout ça. Mais bon. Ouais, Revocation, bah... Ah si, ah... Oh. Non, ah si, c'est ça. Bah non, ouais. Tant mieux, en même temps, Revocation, j'ai découvert hier, je crois. D'accord. Enfin, voilà. Bah, écoute, on a nos mains de la vie. Hein. T'as Lamb of God, moi, j'ai Trivium. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut être qu'heureux. Ouais, carrément. Bah, Liner Skyner aussi, pour ma part. Hein. Ouais, c'est pas trop mon main de la vie. Dans ce cas-là, je préfère Tool. Hein, ce temps-là. Mais... excuse-moi. Mais enfin, en même temps, il passe après, hein, Tool. Bah, c'est pour ça. Tu restes devant Liner Skyner, après, tu restes pour Tool. Hein. Enfin, si tu regardes bien, je pense que Liner Skyner... Ah non, j'allais dire... Mais regarde, t'as Lamb of God, Liner Skyner, Tool et Slayer. Oui. Bah écoute. Oui, tout à fait. On peut... Moi, je suis... Bah, surtout qu'il y a peu de chances que j'aille voir Phil Anselmo and the Illegals, Decide ou Emperor. Même si Emperor... Avec notre nouvelle ouverture d'esprit trop de 2018. Ça, c'est marrant, il y a un groupe justement en dessous en proc qui s'appelle Lucifer Child et c'est une chanson de King Diamond. Ah ben voilà. Allez savoir. Ah mais des fois, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, ma sister, ils sont effectivement hauts, mais il y a quand même Gojira par-dessus qui vient mettre un petit taquet en disant « Eh oh !» Voilà. Eh, oh. Les patrons, c'est nous, quoi. Ouais. Tu nous la fais pas à l'envers, mec. Non, non, mais il y a plein de trucs à... Non, c'est bien. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Eagle of Death Metal, c'est cool. Surpris. Et Skindred, bon, ça c'est. Ouais, je suis assez surpris de voir Eagle of Death Metal aussi, moi. Oh, par contre, le. Eh, Skindred. Ah ouais, à ce point-là Skindred. Ah bah c'était sympa, non franchement, bah, c'était sympa, c'était une bonne album. Surprise. Oui. Donc, pourquoi ouais, pas ouais. Ça me fait plus plaisir. T'avais ça. T'avais pas que... été totalement unanime par rapport au dernier album de Skindred. Ah bon? De mémoire, je crois que t'avais pas. Si, t'avais bien aimé. Ah oui. Mais je crois que t'avais dit, ouais, quand même, quelque chose. Ah non, pas Skindred. Ah non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, Skindred, j'ai vraiment bien aimé l'album. Non, non, non. Mais c'est... après, ouais, c'est vrai que c'était une bonne surprise. C'est vrai qu'on s'était retrouvé un petit peu là. Oui. Pris par, le... par la foule. Oui. Voilà. Et du coup, on est resté, non? Non, bah écoutez. Donc on va pouvoir commencer, nous, de notre côté, à écouter les groupes et à vous faire des retours. Voilà. Avec différentes chroniques. Donc bien sûr, on a... 9300 commentaires. Ah, ça commence à piquer. On va pas tout lire. Bah, Bob va lire, moi je vais préparer les groupes. Voilà, c'est parti. Alors, je commence par le premier. Du coup... C'est ça. Quoi? Ah ok, d'accord. Donc je vous lis en direct un message de... Joe, hein. Putain, j'hallucine. Waouh! J'ai vraiment envie de chialer. Non, mais bordel, je peux pas louper une affiche pareille, c'est pas permis. Et merde, ça m'a empêché de dormir, je suis possédé. Voilà. Bien fait. Est-ce qu'il y a un code moi, je m'arrête à décrypter. Bien fait. Pose. Pour ta gueule. Pose tes balls et viens. Non, parce que vous savez pas tout sur Joe, hein. Mais c'est un fiefielage de temps en temps. Y a un warm-up à quand? Ah bon? L'autre, il m'annonce ça en mode détente. Tadam! Y a la fiche du warm-up? Ouais. Mais elle est où? Elle est sur le... Elle est sur... Bah, elle est sur un endroit sur... que t'as vu? Ouais. Bah j'irai voir alors. Il est quand le warm-up à quand? Le 19-04. Au cargo. Non, c'est pas... Eh ben, nous irons. Parce que... Non, parce qu'il est quand, le... Enfin, même pas quand. Oh, punaise eu, elle est à chute. J'ai pas fait exprès. Donc, le 19 avril. Sinon, il y en a à Bordeaux. T'aimes bien Bordeaux? J'adore Bordeaux. Ben, Bordeaux, voilà. C'est trop beau. Mais j'ai pas fait exprès non plus. Là le 19, c'est un vendredi. C'est complètement jouable, hein. Écoute, allons à la rencontre de notre public. Non, alors, c'est pas ça qu'il fallait dire. Est-ce qu'on peut le prévenir avant le Non, il faut lui faire la surprise. Ah, tu crois? Non, voilà. Je pense qu'on sera les premiers surpris. Hein. Ah, mais oui! Effectivement, Vannes, Brest, Caen, Lille, Strasbourg, Paris. J'ai beaucoup de mal à dire Strasbourg. Ouais, ouais. Romain-sur-Isère, Nîmes, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Tours et Nantes. Et B. Bah, c'est cool. Ah, oh, mais grave! Faut acheter une place dès maintenant. Hein. Moi, je pense qu'il faut. Bah ouais. Bon, bah écoute, hey, ça va faire 53 minutes. Eh ben, c'est bien. Oui, donc ce que je voulais dire, en fait, avant... quoi? Attends, il y a quelqu'un qui a rajouté ça. Oh, c'est drôle. Non, mais t'as vu ou pas? Non, de quoi? Il y a quelqu'un qui a rajouté une affiche en mettant « jeudi ». Slipknot. Excellent. Très très drôle. Très très drôle. Bah, du coup, je sais plus ce que. Ah oui. Donc il va nous. On peut pas annoncer les groupes qu'on va je vais dire économiser, mais ça n'a. Putain, ça te perturbe tout ça. Hein. Ah ouais, non, non. Donc on va tirer au sort des groupes, mais donc pas ce soir. Donc pour le prochain numéro, ça sera des groupes dont on vous tiendra plus ou moins au courant. Vous verrez bien. On n'a pas encore décidé du nombre qu'on va écouter, ni on... Pas Spinal Tap, je suis déçu. Oh, tu veux un câlin? Ouais. Bon, on va aller réveiller Parcimonie parce que je ne vais pas m'occuper de ça. Creation. Du coup, voilà. Donc, pour la semaine prochaine, on ne sait pas encore ce qu'on écoutera. Ni l'un ni l'autre. De la musique, certainement. Oh, il y a des chances. Et en même temps, la semaine prochaine, je dis ça, mais non. Bah non. Normalement, c'est pas la semaine prochaine. Bah ouais. Donc, dans 15. C'est ça. Très bien, après, on peut toujours en discuter avant. On peut... Non, non, non, c'est bien comme ça. C'est que ça va pas toujours durer, parce qu'après, je vais avoir... ça va être changeant. Ah oui, c'est vrai, à partir de janvier. Voilà. Donc, toutes les cartes sont... Bah, dans tes mains à toi, en fait. Bah non, pour le coup, pas dans mes mains, non. Moi, je décide de rien pour l'instant. Ouais, bah oui, oui. Donc, en fait, elles sont dans les mains de personne, du coup. J'ai l'impression qu'elles sont dans les mains du hasard. Je t'expliquerai hors antenne. Ah, ah, mais elles ont vraiment l'impression d'être comme ça. Donc, on revient pour une émission, somme toute, normale. Voilà. Dans 15 jours ou avant ou quand on revient. Voilà. Voilà, de toute manière. Avec des petites découvertes de groupes, peut-être. Espérons-le. Des groupes qu'on connaît. Mais qu'on aura, que vous connaissez. Voilà. En tout cas, on aura écouté des trucs. Voilà. Et on aura des choses à dire. Bon Dieu. Ah. Voilà. Donc en attendant. Imitation de tapage de poing sur la table. Oui, j'évite parce que ça fait du bruit. Bah oui. C'est pour ça. Après, je peux faire ça. Regarde. Oh. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Là, la violence était là. Donc, du coup, on vous souhaite une bonne semaine, voire deux bonnes semaines. On vous aime. Et on vous emmerde. À très bientôt. Et n'hésitez pas à suivre Bob dans sa nouvelle aventure de bricoleur de je ne sais quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas de... Aujourd'hui, si, j'aurais pu vous faire un petit tuto sur comment remettre une goupille sur une clé de bagnole. Tu sais, les clés à clic-clic, là. Et pourquoi t'as... D'accord. Voilà. C'est sympa. J'ai ressoudé une... En fait, le truc est resté dans le... Aïe. Il se blesse. Et je me blesse. La partie clé, en fait, est restée dans le démarreur. La partie et clé en main. Voilà. Allez, retrouvez Stéphane Plaza. À très bientôt. C'est gentil. Et au plaisir. C'est et pas moi. C'était une bonne affiche. C'est une bonne affiche. Voilà, c'est vraiment... Merci Hellfest. Pour ouais. Une fois, tu ne nous as pas déçus. Pour une fois. Encore une fois. Ah ouais, encore une fois, j'ai l'enculé. Et oh, tu dis pas des mots grossiers comme ça. Bah, Peggy 16. Bah mais je peux pas, Peggy, sur le podcast. Ah merde, ouais. Après, tu sais que j'ai une case à cocher, ou s'il y a des gros mots ou pas. Ah bah, tu la coches. Jamais. Bah voilà, jamais, c'est toi, tu jamais. Es irresponsable, mec. Mais c'est pas ça, mais sur la coche... S'il y a des enfants qui écoutent, eh bah... avec leurs parents, en voiture par exemple, après ils vont répéter les mots. Mais hey, c'est pas moi, c'est Jack qui a dit ça. C'était Bob qui a dit ça. C'est ouais, bon, bah c'est peut-être Bob. Mais on sait, personne ne sait, on n'était pas là de toute façon. Bah, bah c'est vrai. C'est voilà, c'est... qui peut le prouver bah... Bah si, forcément il y a un enregistrement. Bah oui. Ça c'est la merde. Bah oui, non mais... Attends, parce que déjà, s'il y a des gens qui écoutent en voiture, j'aimerais bien le savoir. Qui écoutent avec leurs enfants, j'aimerais vraiment bien le savoir. C'est vrai. S'il y a des... Voilà, en fait, j'aimerais juste savoir si des gens écoutent. Déjà, ce serait pas mal. Ouais. Allons à l'essentiel. C'est ça. Il y a des gens qui écoutent. Oh, il y a quelqu'un. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, ça m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, oh, mais quand même, c'est obligé que vous ayez des retours. Voilà, c'est tout. Ça ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, cool. Bah, en fait, non. Tu te trompes. Les seuls retours qu'on a, bah, c'est de nous-mêmes, en fait. Hein, après, on fait un petit débrief. Là, ouais, vite fait. Non, là, on est très, très fort. Cette saison, on est surtout sur le truc. Ah, oh, merde, on aurait dû faire comme ça ou faire, oh, ouais. Faire ça. Ah, peut-être la saison 4. Ah, bah, allez savoir. Mais on n'a pas écrit, en fait. Quoi ? À chaque fois, c'est oral, je veux dire. Ah, ben... merde, on aurait dû faire comme ça. Mais on note pas, en fait, nos commentaires. Non, on devrait faire ça. Tu sais, c'est ce que font les vrais mecs, les vrais professionnels. C'est ça. Ils ont une espèce de grille et tout, ouais. Alors que nous, pas du tout. Que dalle. Ah, merde, on aurait dû faire ça. 15 jours après. De quoi ? Ah, mais voilà, c'est ça. T'as un truc, toi ? Bah non, j'ai pas eu le temps. Ah, merde. Ah, bon. Ah, on aurait dû faire ça. Bah, il se trouve que moi non plus. On devrait peut-être bosser hors podcast. Hein ? Genre, on devrait peut-être bosser hors podcast. Mais ça se... Comment ? Bah, je veux dire, se retrouver. Waouh. Au moins une fois, tu vois, même si c'est juste le temps de boire une bière. On l'a déjà fait, ça. Et ah, tu veux dire qu'on le fasse ? Faire genre un débrief. Ah, genre, ou alors, t'as trouvé l'émission comment ? Ben, on s'écoute pas déjà, donc. Non, mais en ressenti, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, donc, il faudrait qu'on s'écoute. Ben, en même temps, pour apprendre de ses erreurs, ce serait mieux. Hein. Je peux pas écouter ça. Ça m'est impossible. J'ai déjà du mal à le faire. Alors, déjà. J'ai pas envie de me mentir à moi-même. J'ai écouté le truc. Je fais, oh, là, tu vois, là, par exemple. Ouais, oui, c'est vrai. Ah, mais bon. En même temps, ce serait bien aussi de. C'est vrai, on pourrait faire ça. Tu vois ? Ouais. Ce sera intelligent. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça avant d'avoir des choses à raconter ? Parce que maintenant qu'on a des groupes à écouter, on n'aura plus trop le temps de faire tout ça. Ouais, bah après, je sais pas. Bah, c'est vrai que je repasse plus maintenant, donc du coup, on l'écoute plus comme ça. Comment on peut faire ? Ah, je ne sais pas. Tiens, faudrait qu'on en parle. Bah oui, faisons ça. Tu fais quoi, là, dans 5 minutes ? Bah, là, rien. Bah voilà, bah écoute. Tu veux qu'on en parle dans 5 minutes ? Voilà. Il est déjà tard, hein. Et il est quelle heure ? 11h30. Ah, la vache. Bah, c'est pour ça aussi. Ouais, bah, et puis j'ai un nouveau lit en plus. Alors. Bah, c'est ça, faut aller les traîner. Alors, de mémoire, tu vas très mal dormir, je l'espère. Salaud. Mais non, mais moi j'ai changé de matelas il y a peu, j'ai très mal dormi pendant 2 mois. Et maintenant ? J'y pense plus. C'est ça, je suis paralysé du côté gauche, donc du coup, tout va bien. Bah, je dors pas. Voilà. Donc, j'arrive pas à me rendre compte si je dors mal. C'est ça. C'est peut-être aussi que tu bois beaucoup de café. Comme il y avait une espèce de pic dans cette... Ok. Wow. Peak of destiny. D'accord, très bien. Apparemment, on se dit les choses. Mm, mm, mm. Et ben peut-être que toi, t'es juste un sale